Vous écoutez Radio Sofia Altitude. Il est pile 15h. Radio Sofia Altitude. C'est une exclue Radio Sofia Altitude. RSA s'écoute dans le Nord-Basse-Terre sur 88.5. Et sega yendi bi pelele mle yeso iwom sega e yendaga kornai holambai iwom sega yendaga kornai holalong iwom sega e yendaga kornai sangalambai. Sega nyari pi belel hemle yeso iwom sega e nenda ga pomnan olambai di balen nok ndutu pega e pawenchel iwom sega di balen unok belonge pega e pawenchel iwom sega di balen Sombol kwea anyango ndere dere piu weyo sega anyango lo emblem jam. Iwom sega yendaga pomnai olambai iwom sega eya yendaga kornai olalo onkeyesa à Paris, Authentic Zouk débarque en Guadeloupe. Authentic Zouk, c'est la rencontre inédite de Frédéric Loisio, Ivan Voice, Jean-Michel Jean-Louis, Eddy Mia et Jean-Marc Ferdinand. Le samedi 19 juillet, une avalanche de tubes 100% live va déferler sur la Casa. Réunis pour le meilleur du Zouk. Ils vous ont fait rêver. Mais le 19 juillet, ils vont enflammer le dance floor de la Casa. Prends ton ticket maintenant sur Bizou, All Mall et dans les stations Total. Authentic Zoo en live le 19 juillet à la Casa. Pendant les vacances, la Guadeloupe devient la capitale du Zouk. Les 26 et 27 juillet, prépare-toi à vivre le week-end le plus enflammé de l'année. Unity Festival. Unity Festival débarque et ça va être magique. Samedi soir, 20h, 5h du mat, une nuit de folie avec les meilleurs DJ, une ambiance survoltée et la soirée vacances dont tu vas te souvenir. Dimanche, dès midi, barbecue à volonté, animation de dingue, décor féerique et surtout un show live exclusif avec tes artistes préférés en direct sur scène. Lumière, musique, vibes tropicales, Unity, c'est bien plus qu'un festival. C'est une expérience unique au cœur de la Guadeloupe. Passe disponible sur Bizouk, Keywall et Oldmon. Radio Sofa et Altitude, c'est désormais deux fréquences, deux fois plus d'auditeurs, une couverture deux fois plus large. Écoutez Radio Sofa et Altitude sur la 88.5 et 100 AFM. Écoutez votre radio partout dans le monde sur le site www.radio-sofaya-altitude.com et aussi sur les applications gratuites iPhone et Android. Radio Sofa, RSA, une proximité mondiale. Entre 13h et 15h, Acoustique Altitude sur votre radio RSA 88.5. Acoustique Altitude, une première sur la bande FM. Nouvelle scène créole, caribéen, nationale et internationale. Vos meilleurs sons acoustiques. 1, 2, 3, 4, 1. Je j'étais bon ennuyeux. Manglousse rentrait y manger tout l'ail. J'en mets des os, des pires ni santé. Et c'est y débat, et m'en fous à ça. J'y fais brûler la récolte qu'on s'y met. J'aime la pété, tous en y m'échappé. J'en mets des os, des pires ni santé. C'est y débat, et m'en fous à ça. Laissez la villa dérouler. Tout le monde sait à la volonté. Pour mauvais yeux, mais si bon Dieu. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Jouk à rouler, qu'à dérouler. Balance à la vie, c'est qu'à baiser. Pensons son nez. C'est vérité. Quand ça. Vous écoutez Radio Sofaya Altitude. Il est pile 15h. Radio Sofaya Altitude. Plus proche de vous, Sofaya Altitude. Ça. C'est une exclue Radio Sofaya Altitude. See? titre-là, souvenez-vous, la première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Radio Sofia Altitude.